إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence la troisième partie dans l'explication des fondements de la Aqida et du manhaj de Ahl al-Sunnah wal Jama'a. Et on va mentionner maintenant le point numéro 7. Et c'est le suivant. Le Cheikh il dit: « Wa min usuli Ahl al-Sunnah wal Jama'a, mahabbatu ahli bayti Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, wa tawallihim amalan bi wasiyati Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam bi qawlihi أذكركم الله في أهل بيتي ومن أهل بيته أزواجه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن فقد قال الله تعالى بعدما خاطبهن بقوله يا نساء النبي ووجه إليهن نصائح ووعدهن بالأجر العظيم وقال تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Donc le cheikh il explique que parmi les fondements de Ahl al-Sunnah wal Jama'a, il y a le fait d'aimer la famille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de yani les supporter, de les défendre. Et ça fait partie du conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers les gens de sa famille. Et il a dit: je vous rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire de craindre Allah subhanahu wa ta'ala au sujet des gens de ma famille, de ma maison. Et il dit, et parmi les gens de sa famille ou de sa maison, il y a les épouses du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les mères des croyants. Parce que les Rafidah, les Shia, Rafidah, ils ont déclaré les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant mécréantes, kafirates. Ils les déclarent comme étant des kafirates. Allah musta'an. Et ils disent qu'elles ne font pas partie de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les ulama, ils réfutent ça et ils leur mentionnent que, au contraire, les femmes du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sont les mères des croyants et elles sont de la famille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ورضي الله عنهن وأرضاهن. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé dans sourate Al-Ahzab, il s'est adressé aux épouses du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en disant: ya nisa al-nabi, ô épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite il leur a donné des conseils et il les a promis une grande récompense. Et il dit par la suite dans le verset 33 dans sourate Al-Ahzab: innama yuridu Allahu, Allah subhanahu wa ta'ala veut uniquement vous enlever toute impureté aux familles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien ahl al-bayt, wa yutahhirakum tatheera, et il veut vous purifier d'une purification complète. Donc ça c'est la preuve dans le Coran que les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam font partie de Ahlul Bayt, puisque Allah subhanahu wa ta'ala les a désignés comme étant comme faisant partie de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est un point important parce que souvent les rafidahs, parmi les shi'a, c'est cet argument qu'ils utilisent pour essayer de, yani, de faire croire que, yani, ils ont, yani, quand ils parlent à leurs fidèles, ils leur font croire que nous, les gens de Ahlus Sunnah, on n'aime pas les gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette idée-là, c'est ça qu'ils ont propagé parmi, parmi les gens. Ils ont essayé de faire croire aux gens que les sahaba avaient quelque chose contre la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Contre, par exemple, Ali radiallahu anhu et ses enfants et ses femmes. Hein. Et ça, bien entendu, c'est un grand mensonge, puisqu'il n'y avait rien comme animosité entre, entre la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba. Il n'y avait pas de haine entre eux. Ils étaient des croyants qui s'aiment les uns les autres. Et les sahaba avaient un grand respect pour la famille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois, ce n'est pas un amour ou un respect qui amène les gens à tomber dans l'exagération puis dans l'extrémisme, comme les rafidahs qui pensent que si on ne les adore pas en dehors d'Allah et qu'on ne les prend pas comme comme des idoles, et qu'on ne les vénère pas comme les chrétiens vénèrent Isa ibn Maryam, ils pensent que ça c'est un manque de respect ou d'amour envers eux. Donc nous on leur dit non, ça c'est de l'exagération et c'est de l'extrémisme. Donc nous on les aime et on les respecte, mais en même temps on ne tombe pas dans l'exagération et dans l'extrême. D'accord ? Et en même temps, le fait qu'on aime Ahlul Bayt, ça ne nous amène pas non plus à dénigrer et à manquer de respect envers le reste des sahaba. Donc on doit les aimer tous. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait l'éloge de tous les sahaba dans le Coran. Et il a mentionné donc qu'il est satisfait d'eux et qu'eux sont satisfaits de lui. Donc le cheikh il dit ensuite « وَالْأَصْلُ فِي أَهْلِ الْبَيْتِ قَرَابَةُ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَالْمُرَادُ بِهِمْ هُنَا الصَّالِحُونَ مِنْهُمْ خَاصَّةُ أَمَّا قَرَابَتُهُ غَيْرُ الصَّالِحِينَ فَلَيْسَ لَهُمْ حَقٌّ كعمه أبي لهب ومن شابهه قال تعالى تبت يدا أبي لهب وتب فمجرد القرابة من الرسول صلى الله عليه وسلم والانتساب إليه من غير صلاح في الدين لا يغني صاحبه من الله شيئا قال صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. Donc le cheikh il explique que à la base la famille ou les gens de la maison c'est la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ont des liens de parenté avec lui. Et qu'est-ce qu'on veut dire par Ahlul Bayt? On parle en particulier de ceux d'entre eux qui sont vertueux et qui sont pieux. En ce qui concerne les proches ou la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ne sont pas parmi les pieux ou qui sont parmi les koufars, comme par exemple l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam Abu Lahab, eh bien il ne rentre pas dans ceux qui ont ce droit de respect ou bien d'amour, et il ne rentre pas dans Ahlul Bayt puisque ce sont des gens qui yani sont des koufars ou des choses comme ça, ou qui ne sont pas des salihoun comme le cheikh a dit. Et il mentionne le verset 1 dans sourate Al-Masad, tabbat yada abi lahabin wa tab, que périssent les deux mains de Abu Lahab. Et ce verset là donc c'est à propos de l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on avait nommé le père de la flamme Abu Lahab, et à qui Allah subhanahu wa ta'ala a promis l'enfer. Donc le fait qu'il a un lien de parenté avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça ne le sauve pas de l'enfer. Et ça ne lui donne rien de privilège ou des choses de ce genre. Parce qu'il y a des gens qui pensent que le simple fait de faire partie de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça leur donne un statut, ou ça leur donne un niveau, ou un privilège, hein, particulier ou spécial. Et donc tu vois, dans certains pays par exemple, les gens, quand ils savent que quelqu'un fait partie de la descendance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'ils ne sont même pas des gens qui pratiquent l'islam, eh bien les gens leur donnent une valeur ou un statut. Certains même pensent qu'ils ont en eux une baraka, hein, et ils vont même essayer de les toucher pour obtenir de cette bénédiction ou des choses de ce genre, parce qu'ils ont un lien de parenté avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et parfois même, il y en a parmi eux qui en profitent pour justement mendier ou demander de l'argent aux gens et dépendre des gens. Et ils utilisent ce lien de parenté-là comme ça. Donc, le cheikh, il explique que le simple fait d'avoir un lien de parenté avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et de s'attribuer ou de se relier à lui de cette manière-là, sans avoir une religion qui est correcte, eh bien ça ne servira à rien à la personne qui a ce lien de parenté là, puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit aux gens qui étaient les plus proches de lui à son époque, en s'adressant à sa tribu, aux gens de Quraysh, il dit: oh Quraysh, hein, achetez-vous vous-même, faites le troc, hein, de votre âme, c'est-à-dire échangez ou achetez-vous vous-même, dans le sens de vous sauver de l'enfer, hein, en acceptant l'islam, parce que je pourrais rien faire pour vous auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, je serai d'aucun profit ou d'aucun bienfait pour vous contre Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection. Oh mon oncle Abbas, oncle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, je ne serai d'aucune utilité pour toi, je ne pourrai rien faire pour toi contre Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection. Oh Safiya, tante, hein, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je ne pourrai rien faire contre Allah pour toi, hein, au jour de la résurrection. Ça dit, je ne pourrai rien t'aider au jour de la résurrection contre le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oh Fatima, fille de Mohammed, demande-moi de mes biens ce que tu désires, ce que tu veux, je te le donne, mais je ne pourrai rien faire contre le châtiment d'Allah pour toi au jour de la résurrection, c'est-à-dire si tu n'as pas eu la foi, si tu n'as pas cru en Allah subhanahu wa ta'ala, si tu n'as pas suivi son messager, et ainsi de suite. Donc, ça c'est la preuve que le simple fait d'avoir des liens de parenté avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sans la foi, ça ne sert à rien. Hein? Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans leur Sahih. Ensuite, le Cheikh dit: wa qarabatu ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam as-salihun lahum alayna haqq al-ikram wal mahabba wal ihtiram wa la yajuzu lana an naghlu fihim wa nataqarrabu ilayhim bi shay'in min al-ibadati aw na'taqid fihim annahum yanfa'un aw yadurrun min dunillah li'anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu li nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك فكيف بغيره فما يعتقده بعض الناس بمن ينتسبون لقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh, il explique que les gens qui sont pieux parmi les proches du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont un droit sur nous, c'est-à-dire le droit qu'on les honore, qu'on les aime et qu'on les respecte. Et il n'est pas permis par contre pour nous d'exagérer à leur sujet en cherchant à se rapprocher d'eux par une forme quelconque d'adoration. Ça, c'est pas permis. Ou bien de croire qu'ils peuvent nous profiter ou nous nuire en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le verset 21, dans Surat al-Jin, dit: je ne détiens pour vous ni la capacité de vous nuire et ni de vous orienter ou de vous guider sur le droit chemin. Et il vous mentionne également dans le verset 188, dans Sourate Al-A'raf, dit au Muhammad, à ces gens, je ne détiens pour moi-même ni la capacité de nuire, de profiter ou de nuire. لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. Excepté ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. Et si je connaissais le ghaib, si je connaissais l'invisible, j'aurais ramené vers moi beaucoup de bien et aucun mal ne m'aurait touché. Donc ça, c'est la preuve de la part du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En fait, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui mentionne ou qui ordonne aux messagers de dire ça aux hommes, qu'il ne peut rien faire pour nuire ou profiter à quiconque, excepté par la permission d'Allah. Et il dit ensuite que s'il connaissait le rêve, donc ça c'est la négation du fait qu'il connaîtrait quoi que ce soit du rêve. Donc il nie toute connaissance du rêve. Hein? Donc il dit, si je connaissais le rêve, j'aurais ramené vers moi tout le bien et j'aurais éloigné le mal. Hein? Aucun mal ne m'aurait touché. Mais la preuve qu'il lui est arrivé dans sa vie beaucoup de mal de la part des mouchriquins et des koufars, c'est la preuve qu'il ne connaît pas le rêve. Hein? S'il connaissait le rêve, il n'aurait pas eu cette défaite dans la bataille de Uhud. Hein? Et il n'aurait pas eu cette blessure qu'il a eue, hein, durant la bataille, et ainsi de suite. Et ça, c'est des arguments que les ulama ont mentionnés pour montrer que, comme le cheikh il le dit ici, que si c'est le cas avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que lui-même ne connaît pas le rêve, et qu'il ne peut ni profiter ni nuire à quiconque, eh bien dans ce cas-là, toute autre personne qui est moindre que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en statut ou en degré, peut encore moins nous profiter ou nous nuire, ou bien connaître le rêve. Hein? Contrairement à ce que beaucoup d'entre les gens, en particulier chez les soufis, hein, on retrouve des gens qui ont ces idées, hein, ou ces croyances, que le simple fait d'avoir un lien de parenté avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ça peut sauver ou bien ça peut te donner une baraka ou quelque chose de ce genre. Et même vous avez, même dans les croyances de certains d'entre eux, qui vont nier par exemple les preuves au sujet de la mécréance de Abu Talib, le fait qu'il est mort sur le shirk. Il y en a qui inventent des, et qui refusent d'accepter cette chose-là, hein, et qui nient que Abu Talib est mort mushrik. Il y en a qui inventent toutes sortes d'autres histoires à ce sujet-là aussi parmi les soufiyins, parce qu'ils veulent essayer d'affirmer que le simple fait d'avoir un lien de parenté, ça peut te sauver ou te profiter, hein. Et donc, il refuse d'accepter les textes et les hadiths qui sont clairs et authentiques à ce sujet-là. Donc ça, c'est qu'est-ce qui est mentionné au sujet de ce septième fondement parmi les fondements de Ahlus Sunnati wal Jama'a. Ensuite, il y a le fondement, le huitième fondement qui est mentionné. Le cheikh, il dit, il dit, وَمِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ التصديق بكرامات الأولياء وهي ما قد يجريه الله على أيدي بعضهم من خوارق العادات إكراما لهم كما دل ذلك الكتاب والسنة كما دل على ذلك الكتاب والسنة وقد أنكر وقوع الكرامات المعتزلة والجهمية وهو إنكار لأمر واقع معلوم ولكن يجب أن نعلم أن من الناس في وقتنا من ضل في موضوع الكرامات وغال فيها حتى أدخل فيها ما ليس منها من الشعوذة وأعمال السحرة والشياطين والدجالين والفرق واضح بين الكرامة والشعوذة فالكرامة ما يجري على أيدي عباد الله الصالحين والشعوذة ما يجري على يد السحرة والكفرة والملاحدة بقصد إضلال الخلق وابتزاز أموالهم والكرامة سببها الطاعة والشعوذة سببها الكفر والمعاصي. Donc le huitième point ou le huitième fondement parmi les fondements de Ahlus Sunnati wal Jama'a, c'est au sujet des karamat, des hommes pieux et des gens qui sont rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. ça fait partie des fondements d'Ahl al-Sunnah wal Jama'a qu'on doit croire en ça. On doit croire en les prodiges que Allah subhanahu wa ta'ala permet de se produire par la main de certains d'entre les hommes pieux, qui sont des choses extraordinaires, des prodiges, des choses extraordinaires qui peuvent se produire par l'intermédiaire de ces personnes-là, c'est-à-dire des genres de prodiges ou des miracles, des choses exceptionnelles. Et ça s'est prouvé par le Coran et par la Sunna, comme l'exemple de ce qui est arrivé à Maryam, alayhi salam, hein, du fait qu'elle a eu un enfant sans l'intervention d'un homme, et du fait que Allah subhanahu wa ta'ala lui donnait son risque, hein, sans qu'elle ait besoin de le chercher ou le demander. Chaque fois que Zakaria, dans le Coran, c'est mentionné que chaque fois que Zakaria rentrait à l'endroit où elle priait, il trouvait auprès d'elle de la nourriture ou de la subsistance. Hein? Et quand il demandait d'où est-ce qu'elle avait ça, elle disait que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui donne ce risque. Donc ça fait partie des exemples de karamat. Il y a aussi l'exemple des gens de la caverne, Ahlul Kahf. Ça aussi, ça fait partie des karamat, des awliya. Hein? Puisque c'était trois jeunes, et à cause de leur foi, Allah subhanahu wa ta'ala les a fait dormir pendant des centaines d'années. Hein, comme ça. Donc, ça c'est des exemples. Puis, il est arrivé également chez les Sahaba beaucoup d'exemples de ça, des karamat à leur époque, à cause de leur piété. Hein. Et ça peut arriver aussi à des hommes pieux et ainsi de suite. Et donc, nous, on doit croire en ça et on doit affirmer ces choses-là. Celui qui nie ça, il a dévié dans sa aqida. Et ceux qui ont nié ces karamats, c'est en particulier les gens de la secte des Mu'tazila et des Jahmiya. Les Mu'tazila, parce que les Mu'tazila sont des rationalistes, un peu comme des rationalistes. Ils ne croient que qu'est-ce qui est prouvé par les sens et par la raison, selon eux. C'est pour ça qu'ils nient également le châtiment de la tombe et des choses de ce genre. Parce qu'ils disent on ne peut pas le prouver. Hein? Donc tout ce qu'ils ne voient pas, ils le rejettent. Tout ce qui est affirmé du raid par la révélation, ils le nient. Allah al-Musta'an. Ou bien ils le déforment. Ils déforment sa signification. Et les Jahmiyyah également. Ils nient ce genre de choses-là. Ils disent que c'est pas des choses réelles. Donc ça, c'est en fait une négation de quelque chose qui est réel et qui existe et qui est connu. Toutefois, le cheikh cheikh Al-Fawzan, il mentionne un point qui est très important. Il dit qu'il faut bien savoir qu'à notre époque, beaucoup de gens se sont égarés dans la question des karamats et ils ont exagéré dans la question des karamats au point de faire rentrer dans les karamats ce qui n'en fait pas partie. Ils font rentrer dans les karamats même le sihr et les exemples de sihr qui sont faits de la part des charlatans ou des sorciers ou bien des médiums ou des voyants, des choses de ce genre. Et eux, c'est ce qu'ils utilisent, hein, comme par exemple certains marabouts, hein, et certains voyants ou certains sorciers. Ils se donnent une apparence religieuse et ils font du sihr pour tromper les gens, pour essayer de leur prédire l'avenir, ou bien pour essayer de leur dire qu'est-ce qui va arriver, est-ce qu'ils vont avoir le succès dans telle ou telle affaire, ou bien ils font du sihr également pour essayer de régler les problèmes de couple ou de mariage, des choses de ce genre, puis après ils prétendent que ce sont des karamats, alors qu'ils font ça par l'intermédiaire des shayatins et des djinns, hein? Et ils prétendent connaître le raid et des choses de ce genre. Donc ça, c'est pas des karamats. Ça, c'est, en réalité, ça rentre dans les actions des shayatins et des dajjalins, comme le cheikh il le dit. Et la différence entre les karamats et qu'est-ce que ces gens-là font comme sha'wadha, hein, comme superstition et charlatanisme, eh bien, c'est que les karamats, Allah subhanahu wa ta'ala fait que ces choses-là se produisent par la main des hommes pieux. Hein? Et ils le font pas à leur volonté. C'est pas eux qui décident quand ils le font. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le fait se produire par leurs mains quand Allah subhanahu wa ta'ala le veut. Tandis que ces charlatans de shayatin, eh bien, ceux qui le font, c'est des gens qui sont en général des sorciers et des gens qui sont dans le kufr et dans l'ilhad et dans la déviation, qui ne sont pas sur le tawhid et sur la sunna et sur l'obéissance et l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la différence, c'est ça, en fait. C'est dans leur état. C'est comme ça qu'on distingue. C'est un des signes qui nous aide à distinguer entre les deux. Et également, les salihin, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala leur donne des karamates, ils le cachent. C'est pas quelque chose qu'ils diffusent ou qu'ils montrent à tout le monde et qu'ils font de ça quelque chose, hein, pour avoir une célébrité ou une renommée. C'est quelque chose, au contraire, ils considèrent ça comme une fitna, comme une épreuve. Et c'est pas comme les soufiyins. Ils pensent que une condition pour être un wali, c'est de pouvoir faire des karamates à volonté. Et que si quelqu'un fait pas de karamates, c'est pas un wali. Ça, c'est pas une condition pour être un wali, de faire des karamates ou non. Hein? Ça n'a rien à voir. Et c'est pas à volonté. Eux, ils pensent que ça se transmet de père en fils, hein, de génération en génération. Et que le wali, il donne la wilaya à qui il veut. Ou bien qu'il l'hérite par naissance. C'est pas comme ça, la wilaya, c'est par tes œuvres. C'est par ta foi, par tes actions. C'est comme ça que tu deviens un wali d'Allah, que tu te rapproches d'Allah, parce que tu crois en Allah, parce que tu crains Allah. Pas parce que ton grand-père ou ton père était un wali, soi-disant, selon ce que les gens comprennent. Parce que les soufis, ils ont inventé une notion de wilaya qu'ils ont copiée chez les chrétiens. Hein, les saints des chrétiens. Ils ont copié sur ces notions qu'ils ont, les chrétiens, de sainteté. Parce que les chrétiens, c'est eux qui c'est l'Église qui décide qui est un saint. Et une fois que quelqu'un est désigné par l'Église comme étant un saint, eh bien, ils le prennent comme un intermédiaire entre eux et Allah, et ils le prennent pour se rapprocher d'Allah. Et les soufis, ils ont fait quelque chose dans ce style-là. Et en même temps, ils attribuent aux awliya des capacités de connaître le raid et le pouvoir de contrôler la création et de faire tomber la pluie à volonté et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est des croyances qui sont totalement fausses. Et donc ces gens-là, ils ont utilisé le sihr. Quand ils ont appris le sihr, ils ont commencé à l'utiliser, puis prétendent que ça c'est un signe qu'ils ont al-wilaya, qu'ils sont des awliya, ou bien qu'ils qu'ils ont des karamates ou des choses comme ça. Et puis il y en a qui prétendent même que parmi ces chouyoukhs là par exemple, que leur cheikh, il connaît qu'est-ce qu'il y a dans leur cœur, et que ça fait partie des karamates, que leur cheikh, il va juste mettre sa main sur le cœur de quelqu'un, puis il sait qu'est-ce qu'il pense, il sait qu'est-ce qu'il a dans son cœur comme péché, hein. Et dans une de ses conférences, justement, Tariq Ramadan, qui vient d'un milieu soufi, il prêchait, il enseignait, il expliquait ces choses-là normales, comme si c'était quelque chose d'accepté en islam. De croire qu'un homme peut savoir qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de l'autre, et voir qu'est-ce qu'il y a comme péché ou comme problème. C'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui sait qu'est-ce qu'il y a dans la poitrine. Qui sait qu'est-ce qu'il y a dans les cœurs. Donc ça, c'est des exemples. Et souvent, qu'est-ce qui se passe, comme un cheikh l'a expliqué, c'est que la personne en question, le cheikh soufi ou bien le soi-disant wali ou le sahir, il rentre en contact avec le qarin, son shaitan, il rentre en contact avec le shaitan de la personne, parce qu'on a tous un qarin avec nous. Hein? Et donc son qarin rentre en contact avec l'autre qarin et lui informe de certaines informations de qu'est-ce que la personne a fait ou qu'est-ce qu'elle a pas fait, et il vient dire ça au sorcier. Alors lui, il vient et il fait semblant comme si il n'a pas eu l'information, il vient, il met sa main sur la personne, ou bien il la regarde, et puis il lui dit, ah, toi t'as telle ou telle affaire, t'as fait telle chose, ou des choses de ce genre. Donc c'est pas des karamat comme ils prétendent, et c'est pas parce que la personne a atteint ou a reçu al-furqan comme ils prétendent. Non, ça c'est plutôt les sha'wadha ou le sihr, et comme le cheikh il explique, il dit ce qui se passe à leurs mains, c'est de l'égarement en fait. Ils font ça pour égarer les gens et pour voler leur argent. Parce qu'il y a tout un commerce derrière ça. Ils utilisent ces choses-là pour faire de l'argent avec les gens naïfs, hein, et les gens qui sont dans des problèmes. Ils viennent les voir et eux, ils leur promettent de les régler leurs problèmes en échange de l'argent. Et des fois, c'est des grosses sommes d'argent. Hein. Donc, ils deviennent riches, souvent, ces gens-là. Hein. Et tu vois, par exemple, en Afrique et dans différents pays, hein, ces gens-là, c'est ça ce qu'ils font. Ils se remplissent les poches en faisant du sihr, des sha'wadha, des choses de ce genre, et ils font ça parfois même au nom de l'islam, Allah al-Musta'an. Donc al-karamat, si quelqu'un, Allah subhanahu wa ta'ala, lui donne les karamat, c'est par son obéissance. Tandis que sha'wadha, si quelqu'un il le fait, c'est à cause de son kufr et à cause de ses péchés. C'est ça la différence. Et ensuite, le dernier point que le cheikh il a mentionné, al-aslu al-tasi', il dit, wa min usuli ahli sunnati wal jama'a fi al-istidlal ittiba'u ma ja'a fi kitabillahi aw sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam batinan wa zahiran wa ittiba'u ma kana alayhi as-sahabatu min al muhajirin wal ansar umuman wa ittiba'u al-khulafa' ar-rashidin خصوصا يعني حيث أوصى صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. Donc le cheikh il explique comme neuvième point que parmi les fondements de Ahlus Sunnati wal Jama'a il y a يعني il faut comprendre que يعني الزي في الاستدلال في الاستدلال اتباع ما جاء. Donc quand on veut prendre des références et une preuve dans notre islam pour savoir qu'est-ce qu'on doit pratiquer, qu'est-ce qu'on doit croire, qu'est-ce qu'on doit suivre, on se réfère à qu'est-ce qui est mentionné dans le livre d'Allah et dans la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam intérieurement et extérieurement, et on suit également ce que suivaient les sahaba parmi les muhajirin et les ansar de façon générale, et les khulafa al-rashidin de façon particulière. Hein? Puisque le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enjoint cela, il nous a dit, alors suivez ma sunna et la sunna de mes successeurs bien guidés après moi. Donc ça c'est un des fondements de Ahlus Sunnati wal Jama'a, de prendre notre religion et de suivre les preuves qui sont mentionnées dans le Coran et dans la Sunna, et de suivre l'exemple des Sahaba et en particulier des Khulafa al-Rashidin. Ensuite, le Cheikh il dit: وَلَا يُقَدِّمُونَ عَلَى كَلَامِ اللَّهِ وَكَلَامِ رَسُولِهِ كَلَامَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ وَلِهَذَا سُمُّوا أَهْلَ السُّنَّةِ أو أَهْلَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ بَعْدَ أَخْذِهِمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ يأخذون صلى الله عليه وسلم يأخذون بما أجمع عليه علماء الأمة وهذا هو الأصل الثالث الذي يعتمدون عليه بعد الأصلين الأولين الكتاب والسنة وما اختلف فيه الناس ردوه إلى الكتاب والسنة عملا بقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Donc le cheikh il dit que on ne doit placer parmi les fondements d'Ahlus Sunna, on ne place la parole de personne devant la parole d'Allah et la parole de son messager sallallahu alayhi wa sallam. On n'a pas le droit de mettre devant la parole d'Allah ou devant la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, la parole de quiconque parmi les hommes. Peu importe leur niveau de science, peu importe leur piété, peu importe leur sagesse, on n'a pas le droit de mettre la parole de quiconque d'entre les hommes devant la parole d'Allah et devant la parole des messagers. Sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi ? Parce que il y a des gens qui vont, quand ils ont, par exemple, besoin de connaître quelque chose de la religion, ils se réfèrent à quoi ? Ils se réfèrent aux paroles d'un imam, d'entre les imams d'Ahl Sunnah. Et ça, il n'y a pas de problème, de demander aux hommes de science si on n'a pas de science. Mais si on voit que dans les paroles de cet imam, il y a une chose qui est en contradiction avec la parole d'Allah et en contradiction avec la parole du messager, sallallahu alayhi wa sallam, alors dans ce cas-là, on doit laisser la parole de cet imam et suivre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et la parole de son messager. Et donc, le cheikh il dit, et ensuite, donc ça veut dire que on doit prendre la parole d'Allah et la parole du messager avant la parole de quiconque. Et c'est pour cette raison-là qu'on appelle, les gens de la sunna Ahlul Kitab wa Sunna. Et après avoir pris du livre d'Allah et avoir pris de la sunna, on prend également de ce que les ulama de la Ummah se sont mis d'accord, c'est-à-dire l'ijma. Et que ça fait partie d'un des fondements, parmi les fondements du tashri' dans la religion d'Allah. Parmi les principes et les fondements de la législation islamique, après le Coran et la sunna, il y a l'ijma, le consensus. Et donc ça c'est le troisième fondement parmi les fondements du tashri' dans la religion. Et donc c'est là-dessus qu'on doit se baser après les deux premières bases, après le Coran et la Sunna. Et il dit, et si jamais les gens divergent dans la religion, ils doivent le ramener au livre et à la Sunna, comme Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne dans le verset 59 dans surat An-Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et si vous divergez en quoi que ce soit, ramenez-le à Allah et à son messager, si vous croyez réellement en Allah et au jour dernier. Ce sera meilleur pour vous et d'une meilleure conclusion. Donc, le cheikh dit ensuite, فَهُمْ يَعْتَقِدُونَ الْعِسْمَةَ لَا يَعْتَقِدُونَ فَهُمْ لَا يَعْتَقِدُونَ الْعِسْمَةَ لِأَحَدٍ غَيْرَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ولا يتعصبون لرأي أحد حتى يكون موافقا للكتاب والسنة ويعتقدون أن المجتهد يخطئ ويصيب ولا يسمحون بالاجتهاد إلا لمن توفرت فيه شروطه المعروفة عند أهل العلم. Donc le cheikh il dit que les gens de Ahl Sunnati wal Jama'a, ils ne croient pas en l'infaillibilité de quelqu'un après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne croient pas en l'infaillibilité de quiconque après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et un des principes à ce sujet-là, justement, c'est qu'on n'a pas le droit de déclarer ou de croire qu'il est obligatoire d'obéir à quelqu'un autre que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans tout ce qu'il dit. On n'a pas le droit de croire qu'on est obligé d'obéir à quelqu'un dans tout ce qu'il dit autre que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il ordonne, on prend tout et on suit et on obéit aveuglément à qu'est-ce qu'il nous ordonne. Mais toute autre personne que lui, parmi les ulamas qui sont venus après, eh bien, on l'obéit et on le suit uniquement dans ce qui est en accord avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala et son messager ont ordonné. Donc si quelqu'un, par exemple, parmi les musulmans, il vient et il dit, il est obligatoire à un musulman d'obéir ou de suivre la parole d'un savant dans tout ce qu'il dit de A à Z sans rien rejeter, alors c'est comme si en réalité il avait dit qu'il y a un autre prophète après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça qu'on refuse l'idée de certains qui imposent aux musulmans et qui obligent aux musulmans d'obéir et de suivre aveuglément un madhab sans rien refuser ou rien rejeter dans, un, dans ce madhab. Hein? Comme par exemple, peu importe lequel, que ce soit le madhab Hanafi, ou Maliki, ou Shafi'i, ou Hanbali. Si quelqu'un te dit, tu es obligé de prendre tout ce qui est dans ce madhab, et tu sors jamais de ce madhab, et tu rejettes rien de ce madhab, tu prends tout aveuglément dans, qu'est-ce qui est le, dans, dans ces madhahib, alors ça c'est incorrect. Hein? Ça c'est incorrect. Parce que si tu suis le madhab, il y a une condition qui doit être établie. C'est que tu le suis uniquement tant que la chose elle n'est pas en contradiction avec le Coran ou un hadith sahih. Hein, qui vient contredire qu'est-ce que l'imam en question a amené ou a déduit comme ijtihad ou des choses de ce genre. Et ça c'est très important dans le sens qu'il ne faut pas, comme le cheikh il dit, être fanatique dans la façon dont on suit un madhab ou dans la façon dont on suit un imam et de prendre tout ce qu'il dit, que ce soit en accord ou non avec le Coran et la Sunna. Et il y en a des gens comme ça qui disent, il faut suivre un madhab. Si tu ne suis pas, il y en a même qui sont allés à dire que si tu ne suis pas un madhab, t'es kafir. Ça, c'est parmi les extrémistes d'entre eux. Et ça, c'est grave. Et il y en a d'autres qui sont allés jusqu'à dire que si tu ne suis pas un madhab, t'es un innovateur. Hein? Et t'as dévié dans ta religion. Et tout ce qu'ils ramènent comme parole ou comme argument, c'est pas basé sur des preuves du Coran et de la Sunna. Comme on a expliqué, l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'obéir à Allah et d'obéir aux messagers. Hein? En ce qui concerne d'obéir et de suivre les ulama, c'est lorsque tu n'as pas de science, tu demandes aux gens de science, sans prendre en considération le madhab. C'est, qu'est-ce qui est important, c'est de savoir que c'est un savant et qu'il se réfère au Coran et à la Sunna. Et quand tu ne sais pas, tu demandes au savant. Et il te donne la fatwa selon ce qu'il a comme ilm et comme connaissance du Coran et de la Sunna. Et ça, c'est très important. Et, yani, donc, si tu respectes ça et tu suis dans les limites de ce qui est expliqué par les ulama à ce sujet-là, dans qu'est-ce qui est en accord avec le Coran et la Sunna, alors, dans ce cas-là, Inch'Allah, tu es sur la bonne voie, tu es correct. Et donc il dit le cheikh wala yata'assabuna li ra'yi ahad hatta yakuna muwafiqan lil kitab wa sunna wa ya'taqiduna anna al mujtahid yukhti wa yusib. Donc le savant qui est mujtahid, il peut se tromper comme il peut avoir raison. Hein, il y a des gens qui disent, nous on dit par exemple, il y a des gens qui disent yani, il faut suivre un madhhab. Et il y a des divergences des fois entre chaque madhhab, entre le madhhab Maliki, Shafi'i, Hanbali, hein. Il y a des divergences entre eux. Donc ils disent, donc il faut suivre un madhab, et si tu es dans un madhab, tu ne dois pas en sortir. Tu ne dois pas prendre une opinion qui est dans un autre madhab. C'est quoi la preuve de ça? Hein? Il n'y a pas de preuve de ça dans le Coran et dans la Sunna. Tu dois suivre le haq, peu importe où est-ce qu'il est le haq. Depuis que qu'est-ce qui est amené par la position d'un imam est supporté par le dalil, c'est ça que tu dois suivre. Parce que même dans la personne qui va dire, moi je suis juste le madhab Maliki, hein, ou bien Shafi'i, ou Hanafi, ou Hanbali. Hein, à l'intérieur même de ce madhab, il y a des divergences. Hein. Tu vas trouver par exemple, tu vas lire deux savants Maliki. Il y a un savant Maliki qui va dire ça c'est haram, l'autre il va dire que c'est halal, ou l'autre va dire que c'est makruh. Un va dire que ça c'est najis, l'autre il va dire que c'est tahir. Dans le même madhab. Hein, qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Sur quoi tu vas te baser pour savoir lequel de ces savants Maliki, parmi les Maliki, a raison? Est-ce que tu vas tirer au sort? Hein? Non. Tu dois, de la même façon, retourner au Coran et à la Sunna pour trancher et pour savoir lequel de ces, laquelle de ces positions-là est vraie. Hein? Donc, même si quelqu'un il pense qu'en rentrant dans un madhab, il sort de la divergence, c'est pas vrai. À l'intérieur du même madhab, il y a divergence. Hein? Et des fois, même un imam, parmi les imams, on trouve qu'il a plusieurs opinions. Des fois, par exemple, tu vas aller dans le madhab Hanbali ou Shafi'i, tu vois qu'à un moment donné, il avait une position et après, il a eu une autre position. Il avait plusieurs madhab. Et des fois, on peut savoir lequel il avait en premier. Et des fois, on ne peut pas savoir lequel était le premier, lequel était en dernier, d'entre ces positions. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Même ceux qui prétendent qu'ils vont suivre un madhab, est-ce qu'ils sont sortis de la divergence? Non. Puisque encore dans leur madhab, il y a des divergences à l'intérieur d'un même madhab. Donc, la solution pour sortir de ça, c'est de retourner à l'ordre de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de suivre dans ce verset, le verset 59, dans Surat An-Nisa, c'est de ramener les divergences au Coran et à la Sunnah. Et on dit que le mujtahid, le savant qui est mujtahid, il peut avoir raison comme il peut se tromper. Et l'imam Malik lui-même, il disait ça. L'imam Malik, il a dit « Kullun yukhti wa yusib illa sahibu hadha al-qabr » Il dit, chacun d'entre nous, on peut avoir raison comme on peut se tromper, excepté celui qui est dans cette tombe, c'est-à-dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il a été rapporté de la bouche de tous les imams, parmi les quatre imams des madhahib, qu'ils ont dit, « إذا صح الحديث فهو مذهبي » Si le hadith il est authentique, alors c'est ça mon madhhab. Et si vous retournez au livre Sifat Salat al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, de Sheikh al-Albani, dans l'introduction, il a mentionné différentes citations des quatre imams des madhahib qui montrent qu'ils ont interdit à leurs élèves de faire toute forme de ta'assub, toute forme de fanatisme, et de suivre aveuglément le madhhab sans se référer aux preuves dans les questions de divergence. Donc, il faut comprendre que n'importe quel imam, peu importe son degré de science et peu importe sa piété, il n'est pas infaillible, il peut se tromper. Et du moment qu'on est, on est d'accord et qu'on accepte qu'il peut se tromper, ça signifie que si on le suit dans tout ce qu'il dit, on accepte l'erreur. Et ça c'est pas correct. On n'a pas le droit de le suivre dans l'erreur. Même si le mujtahid, quand il se trompe, il est excusé pour son erreur. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui donne une hasana au lieu de deux. Mais nous, si on sait qu'il est dans l'erreur et qu'on le suit malgré qu'il est dans l'erreur, alors nous, on ne sera pas excusé comme lui. C'est seulement lui qui sera excusé pour son erreur parce que lui, il a fait son effort avec sa sincérité, avec sa connaissance pour arriver à la vérité, mais il s'est trompé. Et Allah subhanahu wa ta'ala, pour ça, lui a pardonné son erreur et lui a donné une hasana au lieu de deux. Tandis que celui d'entre nous qui prend une opinion, il sait qu'elle est fausse et il la suit quand même, eh bien, lui, il ne sera pas excusé. Et il dit qu'on ne permet pas non plus à quelqu'un de faire l'ijtihad, excepté s'il possède les conditions connues et nécessaires pour pouvoir le faire, parmi les conditions qui sont mentionnées par les hommes de science. Et ça, si vous voulez les connaître en détail, vous pouvez retourner au livre de Usul al-Fiqh qui mentionne un chapitre toujours sur al-Ijtihad et qui mentionne les conditions du Mujtahid. Ça, c'est mentionné dans les livres de Usul al-Fiqh. Wala inkara indahum fi masail al-Ijtihad al-Sa'ir. فالاختلاف عندهم في مسائل الاجتهاد لا يجب العداوة والتهاجر بينهم كما يفعله المتعصبة وأهل البدع بل يحب بعضهم بعضا ويوالي بعضهم بعضا ويصلي بعضهم خلف بعض مع اختلافهم في بعض المسائل الفرعية بخلاف أهل البدع فإنهم يعادون ويضللون ويكفرون من خالفهم. Donc il faut faire une différence entre les questions de divergence et les questions d'ijtihad. Il y a des questions de divergence qui sont des questions d'ijtihad et il y a des questions de divergence qui sont basées sur la passion. Les questions de divergence qui sont basées sur la passion, ça c'est les divergences qui sont ramenées par les gens de bid'ah. Tandis que les questions d'ijtihad, c'est des divergences qui sont basées sur les différences d'interprétation ou de compréhension entre les ulama. Et dans ces divergences-là, lorsqu'ils font des ijtihad et qu'ils arrivent à différentes conclusions, et que tous les deux se basent sur des hadiths-là qui sont sahihas, qui sont corrects, hein, eh bien, les ulama, ils ne vont pas yani, prendre ça comme étant quelque chose qui yani, oblige l'animosité entre les gens. Au contraire, ils continuent à s'aimer et à se respecter les uns les autres, malgré les différences d'opinion qu'ils ont, tant que ce sont des divergences dans les questions d'ijtihad qui sont acceptables et permises. Hein. Sans pour, ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ne considèrent pas que celui qui a une autre opinion a raison. Hein, c'est-à-dire le alim qui a fait une ijtihad et qui est arrivé à une conclusion différente de celle d'un autre mujtahid, il considère que c'est lui qui a, que sa position c'est le haq et que la position de l'autre mujtahid elle est une erreur. Mais malgré ça, hein, même malgré ça, il le respecte et il garde, il y a toujours l'amour et la fraternité de l'islam entre eux. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils sont arrivés à cette conclusion-là, hein, par sincérité et en respectant les textes selon le degré de connaissance et de compréhension qu'ils avaient. Et ça, ça ne nécessite pas donc qu'il y ait de l'animosité ou de la haine. Et ça, il y a plein d'exemples comme ça parmi les exemples des divergences qui sont apparues ou qu'on a vues entre des ulama de notre époque qui sont des ulama de Ahl Sunnah. Hein, comme par exemple la question qui est yani d'actualité maintenant, Allah musta'an, comme par exemple la divergence entre Cheikh Al-Albani et Cheikh Ibn Baz et d'autres ulama au sujet de est-ce que c'est obligatoire de couvrir le visage ou non. Hein, on voit que il y a une divergence entre ces ulama sur cette question et malgré tout ils se sont réfutés mutuellement, ils ont écrit des livres pour réfuter l'opinion de l'autre, mais sans pour autant avoir du respect les uns pour les autres et s'aimer les uns les autres, parce qu'ils savent que c'est des questions d'ijtihad et que c'est des questions sur lesquelles il est possible qu'il y ait des divergences. Hein? Et la même chose pour d'autres sujets ou d'autres questions semblables, dans lesquelles il y a des divergences, dans les questions d'ijtihad, entre les ulama d'Ahl al-Sunnah wal Jama'a. Donc ça c'est des divergences, mais qui n'imposent pas qu'on se diverge et qu'on se déteste. Contrairement aux divergences dans les fondements de la foi entre les gens de Bid'a et les gens d'Ahl al-Sunnah, ça c'est pas la même chose. Hein? Donc c'est ça que le cheikh explique. Ici. Et pour terminer, donc le cheikh il fait une conclusion. Il dit ثُمَّ هُمْ مَعَ هَذِهِ الْخَاتِمَةِ il dit ثُمَّ هُمْ مَعَ هَذِهِ الْأُصُولِ الَّتِي مَرَّ ذِكُرُهَا يَتَحَلَّوْنَ بِصِفَاتٍ عَظِيمَةٍ وَهِيَ مِنْ مُكَمِّلَاتِ الْعَقِيدَةِ وَمِنْ أَعْظَمِ هَذِهِ الصِّفَاتِ أَوَّلًا أَنَّهُمْ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ على ما توجبه الشريعة عملا بقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وبقوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Donc le cheikh il explique que, pour terminer, donc en conclusion, il dit, ensuite de ça, par la suite, il y a d'autres choses en dehors de ces fondements-là qu'on a mentionnés, par lesquels les gens de Ahl al-Sunnah wal Jama'a, on peut dire, se parent du fait qu'ils respectent certaines de ces grandes caractéristiques qui viennent compléter cette aqidah. Hein? Et parmi ces plus grandes caractéristiques-là, premièrement, il y a le fait qu'ils ordonnent le bien et qu'ils interdisent le mal selon ce qui est imposé par la charia. Hein? En agissant selon le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Vous êtes la meilleure nation qui est sortie pour les hommes, vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal et vous croyez en Allah » qui est le verset 110 dans Surat Al-Imran. Et il mentionne également le hadith qui est rapporté par l'imam muslim selon Abi Sa'id al-Khudri, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Celui d'entre vous qui voit un mal, qu'il le change par sa main. » Et s'il n'est pas capable, alors qu'il le change par sa langue. Et s'il n'est pas capable, alors qu'il le change par son cœur. Et ça, c'est le plus faible niveau de la foi. Et il mentionne, ensuite le cheikh, il dit, وَقُلْنَا عَلَى مَا تُوْجِبُهُ الشَّرِيعَةَ خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةَ الَّذِينَ يَخْرُجُونَ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهِ عَنِ الْمُنْكَرِ عَمَّا تُوْجِبُهُ الشَّرِيعَةَ فيرون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الخروج على ولاة أمر المسلمين إذا ارتكبوا معصية وإن كانت دون الكفر فأما أهل السنة والجماعة يرون مناصحتهم في ذلك دون الخروج عليهم وذلك لأجل جمع الكلمة والابتعاد عن الفرقة والاختلاف قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد أكثر من الذي في إزالته. Donc le cheikh il explique ensuite que quand on a dit au début, c'est-à-dire quand on a expliqué là, au sujet de l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal, que c'est selon ce qu'ordonne la charia, eh bien on a dit ça pour contredire en fait ce que font les Mu'tazila et également les Khawarij aussi, qui sortent contre les dirigeants et qui se révoltent contre les dirigeants sous prétexte qu'ils veulent ordonner le bien et interdire le mal. Donc eux ils appellent à ordonner le bien et interdire le mal selon ce qui n'est pas ordonné et selon ce qui n'est pas en accord avec la charia. Donc l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal pour eux c'est de sortir et de se révolter contre les dirigeants des musulmans. Lorsqu'ils voient qu'un dirigeant commet un péché qui est moindre que le kufr, ils se permettent de faire ça. Tandis que les gens de Ahl al-Sunnah wal Jama'a, ils voient ou ils considèrent qu'il faut plutôt lui donner la nasiha et non pas de sortir contre lui. Donc ça c'est une chose, maintenant on a vu des gens à notre époque, surtout à propos des fitanes qui sont arrivées dernièrement dans les pays musulmans, certains ignorants ou certains égarés qui se référaient à ce principe-là pour justifier qu'est-ce qui se passait dans les pays musulmans. Ils essayaient de dire que qu'est-ce qui se passait dans les pays musulmans comme rébellion, comme révolte, comme manifestation, que c'était une façon d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et on sait très bien que, selon les principes d'Ahl al-Sunnati wal Jama'a, que c'est pas de cette façon, hein, et que c'est pas permis de prétendre qu'on va sortir contre le dirigeant, que ça fait partie de l'ordonnance du bien et de l'interdiction du mal. Et ceux qui ont compris la religion de cette façon-là, c'est les Mu'tazila. Ce sont les gens de Bid'a, les Khawarij et les Mu'tazila. Hein, et le Cheikh, il explique, il dit que, pourquoi? Parce que, les gens de la Sunna, pourquoi ils considèrent que c'est pas permis de le faire? Puisque ça ramène plus de mal que le mal que tu veux changer. Et un des principes donc de Ahl al-Sunna wal Jama'a au sujet du fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, c'est que le mal que tu veux interdire, eh bien en l'interdisant, tu dois pas ramener un mal plus grand ou équivalent. Il faut que tu amènes, il faut que ça soit quelque chose qui va diminuer le mal ou l'enrayer complètement. Donc si tu es capable de diminuer le mal ou de l'enrayer complètement, dans ce cas-là, oui, mais si tu vas le laisser à égalité ou bien tu vas l'augmenter, le mal, alors dans ce cas-là, c'est pas permis. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris ces règles-là et ces principes-là et qui veulent juste appliquer les hadiths à la lettre, sans hikmah et sans compréhension, sans fiqh. Et donc, ils prennent un hadith tout seul, et ils laissent de côté tous les autres hadiths et les autres ayats qui parlent de ce sujet-là, et ils sautent sur l'application sans compréhension, et ils tombent dans plein de contradictions et plein d'erreurs de la charia à cause de ça. Comme les Mu'tazila et les Khawarij. Hein? Donc le Cheikh, il dit, donc il dit, le fait qu'ils se révoltent et qu'ils sortent contre les dirigeants, on voit que ça ramène plus de désordre. Et donc, les gens d'Ahl al-Sunnati wal Jama'a, ils invitent ou ils appellent plutôt à donner la nasiha et à ne pas sortir contre les dirigeants dans le but de garder la parole des musulmans unis et de s'éloigner de la division et de la divergence. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il a mentionné dans Majmou' al-Fatawa, le volume 28, à la page 179 et 180, que tu ne pourrais pas trouver un groupe parmi les groupes dans l'islam qui ont fait des révoltes contre un dirigeant, excepté que dans leur révolte, il y a eu plus de désordre que le désordre ou le mal qu'ils voulaient changer. Hein? Et ça, c'est une constatation que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a mentionné dans ce livre-là. Et il a donné des exemples. Il a donné des exemples historiques qui prouvent ce fait-là, que toutes les révoltes qui se sont produites à travers l'histoire de l'islam, qui étaient en contradiction avec le Coran et la Sunna et l'exemple des Sahaba, ont toujours ramené plus de mal que de bien. Hein? Et il y en a qui essaient parfois de citer justement certains de ces exemples historiques-là. Et c'est ridicule de leur part d'essayer de se baser sur ces exemples-là pour essayer de justifier les révolutions et les révoltes qui se passent actuellement, puisque ces choses-là, même si elles se passaient dans une époque plus, disons, proche de l'époque des Sahaba ou au début de l'histoire de l'islam, elles étaient quand même en contradiction avec la Sunna. Donc, peu importe qu'elle se soit passée à cette époque-là ou à notre époque aujourd'hui, c'est pas dans les contradictions, hein, ou bien dans les erreurs qu'on doit prendre une référence. C'est dans qu'est-ce qui est expliqué et clarifié dans le Coran et dans la Sunna et dans les actes et les exemples des Sahaba et des Salafs qui sont en accord avec la Sunna qu'on doit se référer, qu'on doit trouver nos exemples et nos références et non pas dans des erreurs ou dans des ijtihads qui probablement parfois étaient en contradiction ou en erreur, des erreurs, et on se base sur ces ijtihadats de la part de certains d'entre les ulama qui vivaient à ces époques-là pour justifier des erreurs ou des choses qui sont contraires à la sunna. Puisqu'on sait que par la suite, il y a eu l'ijma des salafs sur le fait que c'est interdit de sortir contre les dirigeants par la suite. Donc ça, c'est quelque chose qui est clair. Et ensuite, le cheikh, il explique comme deuxième point, comme parmi les points de la conclusion, « Thaniyan, wa min sifati ahli sunnati wal jama'a al-muhafazatu ala iqamati sha'air al-islam min iqamati s-salat, min iqamati s-salati al-jumu'a wal jama'a khilafan lil-mubtadi'a wal-munafiqin alladhina la yuqimuna al-jumu'a wal jama'a. » Donc le cheikh, il dit deuxièmement, parmi les caractéristiques des gens d'Ahlu Sunnati wal Jama'a, c'est qu'ils préservent l'établissement de la salat et des principes de l'islam, comme l'établissement de Salatul Jama'a et de la prière en groupe, la prière de Jumu'a et la prière en groupe, contrairement aux gens de Bid'a, contrairement aux Munafiqin qui n'établissent pas la Jumu'a et qui n'établissent pas la prière en Jama'a. Troisièmement, ثالثا ومن صفاتهم قيامهم بالنصيحة لكل مسلم والتعاون على البر والتقوى عملا بقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Donc troisièmement, c'est d'établir, donc parmi leurs caractéristiques, c'est d'établir la nasiha et de donner la nasiha à chaque musulman et de s'encourager et de collaborer, de s'entraider dans la piété et dans la taqwa, dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, en agissant selon le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « La religion c'est la nasiha ». Donc la religion c'est la nasiha, c'est le bon conseil, c'est la sincérité. Il a dit envers qui? Il a dit la sincérité envers Allah, envers son livre, envers son messager et envers les musulmans, les dirigeants des musulmans et les musulmans en général. Et ça c'est rapporté par Muslim et Abu Dawud et An-Nasa'i et d'autres. Et il dit également wa biqawlihi sallallahu alayhi wa sallam al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que le croyant, par rapport à un autre croyant, il est comme un mur ou comme une construction, hein, qui se raffermit, chaque morceau se raffermit l'autre. Hein, c'est comme une construction, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait croisé ses doigts comme ça, les uns dans les autres, pour montrer pour donner un exemple, de comment les croyants doivent être entre eux. Hein. Et parfois, malheureusement, on voit que c'est pas toujours comme ça. Donc, il faut s'encourager, à essayer d'être plus fort ensemble, plus avoir des liens fraternels plus solides et de s'accrocher plus solidement donc à l'islam et de rester plus fermes les uns avec les autres et de s'aimer les uns les autres pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est très important. Rabi'an, min sifatihim, ثباتهم في مواقف الامتحان وذلك بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء بمر القضاء. Ça c'est le point numéro 4. Le cheikh dit parmi leurs caractéristiques, c'est que lorsqu'il y a des épreuves, ils restent fermes et ils font preuve d'endurance lorsqu'il y a des malheurs et ils sont reconnaissants lorsqu'il y a de l'aisance et ils sont satisfaits lorsqu'il y a des aspects de la prédestination qui sont amers. C'est presque fini. Et khamisan, et c'est le dernier point, wa min sifatihim annahum yatahalluna bimakarim al-akhlaq wa mahasin al-a'mal wa birr al-walidain wa silat al-arham wa husn al-jiwar وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والظلم والترفع على الناس عملا بقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا وبقوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. Donc le cheikh il explique comme cinquième point, et c'est le dernier point, que ils s'embellissent par les belles caractéristiques et les bons comportements et les belles actions et la bonté envers les parents et les liens de garder les liens de parenté et d'être bon et d'avoir des bonnes relations avec nos voisins, et ils interdisent la fierté et l'orgueil, la fierté, le fait de se vanter, et également la transgression et l'injustice et de s'élever au-dessus des gens. Donc tout ça, c'est des exemples qui font partie des caractéristiques de Ahl al-Sunnati wal-Jama'a. Et ça fait partie aussi de la Aqida. Et beaucoup de gens, ils comprennent pas ça. Des fois, ils disent, mais pourquoi vous parlez jamais de khuluq, hein? Parlez pas de bon khuluq. Et en réalité, quelqu'un qui n'a pas de Aqida n'a pas de khuluq. Quelqu'un qui n'a pas de Aqida, il n'a pas de khuluq. Même si en apparence, il agit bien, ou il montre qu'il a un bon comportement, mais c'est pas ça le khuluq de l'islam. Le khuluq de l'islam, c'est un tout. Hein? C'est d'avoir un khuluq qui est basé sur une aqidah, une foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et vous allez voir que, si vous allez étudier les questions d'akhlaq dans l'islam, vous allez voir que c'est toujours relié à l'iman, avec la foi. Hein? Le fait d'avoir de la pudeur, ça fait partie du khuluq du mu'min. Et il faut comprendre qu'est-ce que c'est la pudeur dans l'islam. At-tawadu, l'humilité, ça fait partie du khuluq du mu'min. Et ça aussi, ça fait partie de qu'est-ce qui est dans le cœur et de la foi. Hein? Mais maintenant, comme je disais plus tôt dans le cours que j'ai donné précédemment, le khuluq, beaucoup de jeunes, ils ont pris leur khuluq des chanteurs de rap. Ils ont pris le khuluq des vedettes, des cinémas. Ils ont pris leur khuluq des kuffars. Ils ont pris leur khuluq de ces choses-là, ils n'ont pas pris leur khuluq du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et des sahaba, et des tabi'in, et des ulama, c'est pas de eux qu'ils ont pris leur khuluq. Hein? Et ce khuluq, hein, Cheikh Abdelaziz ibn Baz, rahimahullah, il a fait une conférence sur le khuluq, il a parlé que du tawhid dedans. Les gens disent, mais comment ça se fait, il parle du khuluq, il parle du tawhid? Parce que le khuluq, il commence par ton comportement et ton khuluq envers ton créateur en premier. Si tu ne sais pas te comporter envers ton créateur, donc tu n'as pas vraiment un bon khuluq. Même si en apparence avec les hommes, tu peux montrer que tu as un khuluq, ou que tu essaies de montrer que tu as un khuluq. La même chose aussi, le khuluq envers le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et envers sa sunnah. Ça aussi, ça fait partie du khuluq, et nous, on passe par-dessus ces choses-là. Et le khuluq envers, nos parents, et envers les autres aspects de l'islam. Tout ça, ça a rapport avec l'islam, et avec l'aqidah, et avec le tawhid. Et tout ce qu'on a comme comportement, ça doit revenir à notre aqidah, et à notre religion. C'est pour ça que, tant qu'on n'a pas compris notre religion comme il faut, les bases de notre religion, on n'aura pas un bon khuluq. Et les fois, des frères, il y a beaucoup de frères qui m'ont dit, viens, arrive, fais des conférences sur le khuluq, fais des conférences sur le khuluq. Et quand les gens vont comprendre leur aqidah, ils vont comprendre qu'est-ce que c'est le khuluq. C'est là qu'ils vont comprendre qu'est-ce que c'est l'iman et qu'est-ce que c'est les caractéristiques du mu'min et comment le mu'min doit agir avec ses frères, comment il doit agir avec ses parents, comment il doit agir avec les créatures, mais avant tout comment il doit agir avec Allah subhanahu wa ta'ala et envers le Coran et envers la sunnah et ainsi de suite. Hein? Donc c'est ça. Et le cheikh il mentionne le verset 36 dans Sourate An-Nisa, à ce sujet-là, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et adorez Allah et n'associez rien avec lui ». Et ensuite, il mentionne les autres liens de parenté qu'on doit avoir et qu'on doit respecter nos parents, qu'on doit faire preuve de bonté envers eux, et de même qu'envers les proches, envers les orphelins, envers les pauvres, envers les voisins qui sont proches ou loin, envers les compagnons, envers les voyageurs, envers les esclaves. Et il mentionne ensuite, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas les gens qui sont fiers et pleins de gloriole ou qui sont arrogants et vantards ou ainsi de suite. Et il mentionne le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit les croyants qui ont une foi des plus complètes, ce sont ceux qui ont le meilleur comportement. Les croyants qui ont une foi plus complète, ce sont ceux qui ont le meilleur comportement. Donc on voit que le khuluq, il est relié à la foi. Puisque si plus que tu as un bon khuluq, ça veut dire que plus que tu as de foi, plus que tu as un bon khuluq. Donc c'est relié, le khuluq et la foi, c'est relié ensemble. Hein? Si quelqu'un, il vous dit qu'il est un bon musulman, ou qu'il est salafi, mais qu'il a un mauvais khuluq, c'est parce qu'il ment. Sa foi, elle n'est pas correcte. Sa foi, elle n'est pas complète. Il y a des déficiences, il y a des manques dans sa foi. Dans sa façon de parler, dans sa façon d'agir, dans sa façon de marcher, dans sa façon de s'habiller, dans sa façon d'être. Observez bien les gens. Vous allez voir. Tout ça, c'est relié à la foi. Donc, il faut travailler là-dessus. On a tous des défauts, on a tous des faiblesses, on a tous des manquements. On doit tous essayer de s'améliorer. On vient tous de la même place. Hein? On vient tous des mêmes milieux, des mêmes endroits. On connaît tous les défauts des sociétés dans lesquelles on vit. On ne va pas se mentir à nous-mêmes. On a grandi la plupart d'entre nous dans des sociétés non musulmanes, où il n'y a pas de khuluq. Et on doit s'éduquer soi-même à développer ce khuluq. Donc c'est pas facile, c'est certain. Mais Inch'Allah, en travaillant, en faisant des efforts sur soi-même, on arrive à le faire. Inch'Allah. Donc le cheikh, il termine par un dua. Il dit, Nasallallaha azza wa jal, an yaj'alana minhum bimannihi wa karamihi, wa an la yuzigha qulubana ba'da idhadana, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Naam. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Et on se retrouvera demain après le subh, Inch'Allah, pour